Jean-Charles, Rénal nous propose rien de moins qu'un marathon pour le nouvel an. En effet, il débutera le 31 décembre, 18h, jusqu'au lendemain matin, 6h, sur les ondes du 89.1, dans le cadre de l'émission spéciale Adieu 2011, Salut 2012. On peut s'attendre à une soirée extrêmement explosive, avec un univers surprenant et insolite. Au menu, des personnages atypiques qui viendront alimenter son monde éclaté. De la musique, de la folie et surtout du plaisir. Le nouvel an, c'est à CKRL que ça se passe. Adieu 2011, Salut 2012, du 31 décembre, 18h, et ce, jusqu'à 6h le lendemain matin. Folie à volonté!